إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هنا كتاب التوحيد اكسبليكاسيون للشيخ صالح الفوزان et on est dans le chapitre 42 on a commencé hier. Et on va expliquer le chapitre qui dit Babun, Qawlullahi Ta'ala, Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. C'est-à-dire, ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux, alors que vous savez. Et là, on va expliquer maintenant les paroles qui ont été rapportées par les Sahaba et les Tabi'in pour expliquer ce verset-là. Hein. Et donc c'est un tafsir de ce verset. Donc le cheikh, Al-Fawzan, il explique la parole d'Abdullah ibn Abbas en premier. Il dit « وقال ibn Abbas في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البطة في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا وهذا كله به شرك. Donc les paroles d'Abdullah ibn Abbas à ce sujet-là qui disent que ce verset-là, ça signifie que les andad c'est le shirk, les égaux que l'on donne à Allah, ça c'est le shirk. Et c'est plus caché parfois que la marche de la fourmi sur une terre noire dans une nuit obscure, une nuit ténébreuse. Et c'est comme si tu dis, lorsque tu dis à quelqu'un, par Allah et par ta vie, ô un tel. Ou bien quand tu dis, par ma vie, je jure par ma vie. Ou bien si ce n'était pas de ce chien que j'ai chez moi, les voleurs seraient rentrés. Ou bien si j'avais pas ce canard dans la maison pour alerter quand il y a des gens qui veulent rentrer, eh bien les voleurs seraient rentrés chez moi. Donc ça c'est des exemples de paroles qui contiennent du shirk dedans. Et aussi la parole lorsque quelqu'un dit ce que Allah a voulu et ce que tu veux. Ou bien la parole de quelqu'un quand il dit si ce n'était pas d'Allah et d'un tel. Hein? Donc la taj'al fiha fulana. Il dit ne dis pas un tel dedans, ne rajoute pas quelqu'un d'autre quand tu dis si ce n'était pas d'Allah. Rajoute pas un tel ou une personne d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu parles de cette façon, et parce que tout ça, ça fait partie du shirk. Ça fait partie du shirk mineur, comme on va voir. D'accord? Oui, c'est ça. Quelle parole plus appropriée qu'on peut dire, on va le voir dans l'explication. Le shirk va donner des exemples pour chaque parole. Il va dire qu'est-ce qu'il faut dire à la place. Donc tu vas voir au fur et à mesure, je vais donner des exemples, inshallah. Le cheikh il dit, وقال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك الشرك منه جلي واضح كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله هذا شرك واضح جلي لأنه يرى ويسمع، وهناك شرك خفي وهو نوعان. النوع الأول شرك في المقاصد والنيات، وهذا خفي لأنه في القلوب، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، كالذي يصلي ولكن يصلي رياء وسمعة، وهذا لا يعلمه إلا الله. والنوع الثاني شرك خفي لأنه لا يعلمه كثير من الناس، وهو الشرك في الألفاظ دون الاعتقاد، وهو ما ذكر أو هو المذكور هنا. الشيخ الذي ضاف الطهول عبد الله بن عباس كان يزي dans ce verset-là, quand Allah parle, il parle des andad et c'est le shirk. C'est le shirk, les andad, les égaux qu'on donne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shirk, il y a différentes catégories comme vous savez. Il y a le shirk qui est clair et apparent, et c'est comme le fait d'égorger pour autre que Allah, ou de faire des serments pour autre que Allah, ou de faire des invocations à autre que Allah, ou bien de chercher, de demander au secours à autre que Allah, dans ce que seul Allah est capable de faire, hein, dans les choses que seul Allah est capable de nous venir en aide. Tout ça c'est une forme de shirk qui est clair et apparent, on le voit et on l'entend ce shirk. Donc ça c'est un shirk qui est wadih, qui est clair. Toutefois il y a un autre shirk qui est caché, shirk al-khafi, il est caché ce shirk. Et il est de deux catégories. La première catégorie de shirk qui est caché, c'est le shirk dans les intentions qu'on a dans notre cœur. Pourquoi c'est caché? Parce que c'est dans le cœur. Okay? Donc, j'ai utilisé par exemple, il n'y a personne qui peut connaître ce qui est dans le cœur des êtres humains, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui quand il fait la salat, il fait la salat pour montrer aux gens. Ou bien pour que les gens entendent. Alors, s'il fait ça avec cette intention-là, il n'y a personne qui peut savoir ça, excepté Allah. C'est-à-dire, personne ne peut savoir que cette personne, elle prie pour se montrer. Personne ne peut savoir que cette personne a prié pour se faire entendre, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on l'appelle une forme de shirk qui est khafi. Okay? Et il y a une autre forme de shirk, c'est une autre forme de shirk khafi aussi, c'est le shirk qui est dans les paroles qu'on prononce, mais qui sont pas nécessairement reliées à une croyance. C'est-à-dire tu dis des paroles, mais sans vraiment penser à qu'est-ce que tu dis. C'est-à-dire tu le dis, mais sans vraiment te concentrer sur qu'est-ce que ça signifie vraiment. Parce que si tu réfléchis à la signification de ce que tu dis, automatiquement tu cesserais de le dire, tu le dirais pas. Donc on va donner l'exemple de ça inshallah. Le cheikh il dit, c'est comme par exemple qu'est-ce qu'on a mentionné dans les paroles de Abdullah ibn Abbas. Et Abdullah ibn Abbas il dit que قال Abdullah ibn Abbas الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وسمي خفيا لأنه Donc ça veut dire, le cheikh dit, on l'appelle khafi, cette deuxième catégorie de shirk qui est cachée, on l'appelle khafi aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette forme de shirk-là, et qui ne savent même pas que c'est shirk. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle khafi, et il dit que c'est plus caché, Abdullah ibn Abbas dit que c'est plus caché que la marche d'une fourmi sur une pierre noire dans une nuit noire. Ou une nuit obscure. Donc on l'appelle khafi parce que beaucoup de gens ne s'en aperçoivent pas. ثم ضرب له أمثلة بكلمات يقولها بعض الناس بألسنتهم وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي والحلف بغير الله من الشرك الذي يجري على ألسنة كثير من الناس ويعلمون أنه الشرك فكثيرا ما يقول بعضهم والنبي والأمانة وحياتك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والحلف بغير الله شرك أصغر إن كان لا يقصد تعظيم الحالف كما يعظم الله أو كما يعظم الله وإن كان يقصد تعظيم المخلوق مثل ما يعظم الله فالحلف يكون شركا أكبر. Donc le cheikh il dit par exemple que Abdullah ibn Abbas par la suite il a donné des exemples de qu'est-ce que les gens disent souvent avec leur langue par rapport à qu'est-ce qui est shirk et qui est caché. C'est comme par exemple quand quelqu'un il parle, il fait des serments où il jure et il jure sur autre que Allah en jurant. Il dit je te jure par la tête de mon père ou je te jure par ma vie ou je te jure sur par exemple je te jure par telle ou telle affaire. Il y en a qui jurent par la Kaaba, il y en a qui jurent par l'honnêteté ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est des formes de shirk également, c'est interdit de jurer par ces choses-là. De jurer par autre que Allah, c'est une forme de shirk, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre que Allah, il a commis un shirk, ou il a commis un kufr ou un shirk. Et en réalité ça implique, comme on voit tout à l'heure, que c'est kufr et shirk de faire un serment ou de jurer par autre que Allah, d'accord. Et il y a deux catégories, ou bien ça peut être de deux catégories, le shirk, dans le fait de jurer par autre que Allah, ça peut être shirk asrar, comme c'est d'habitude, en principe c'est shirk asrar, c'est-à-dire un shirk mineur, toutefois ça peut monter en degré et devenir un shirk majeur parfois. Et quand est-ce que ça devient un shirk majeur? C'est lorsque, quand tu jures par quelque chose ou par une personne, tu le fais avec le respect que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, tu l'as avec le même respect que tu as envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, ça devient un shirk majeur. Et le shirk, il va expliquer dans quel cas et des exemples de ça. Il dit, والذين يحلفون بالقبور والأضرحة ويعظمونها كما يعظمون الله هو من هذا النوع لأن كثيرا منهم يتساهل بالحلف بالله يتساهل بالحلف بالله ولا يتساهل بالحلف بالضريح أو الولي إذا قيل له احلف بالله بادر بالحلف وإذا قيل له احلف بمعبودك أو بمعظمك وبالولي الذي أنت تعظمه ارتعد وأبى أن يحلف يخاف من البطش من هذا الولي فهذا شرك أكبر بلا شك. Donc le cheikh il dit, il y en a déjà par exemple, il jure par les tombes et par les mausolées, les endroits où on a enterré les morts, des morts qui ont été vertueux ou pieux par exemple, parfois, et c'est les soufis qui vénèrent ces lieux-là, ces endroits-là et ces êtres-là, donc ils vont à ces tombes-là, et qu'est-ce qu'ils font? Ils jurent par les gens qui sont dans ces tombes, donc ils jurent par les tombes ou même par les gens qui sont enterrés par ces tombes-là, et eux, quand ils font ça, ils cherchent à leur montrer un respect et à les vénérer, hein, comme on vénère Allah et comme on exalte Allah et comme on respecte Allah. Donc ça fait partie de la catégorie de shirk qui est une forme de shirk majeur. Pourquoi? Parce que tu es en train de jurer par autre que Allah dans le but de les vénérer et de leur montrer un respect que tu dois uniquement montrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il donne un exemple de ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, il y a beaucoup de gens, quand ils jurent par Allah, ils prennent ça à la légère. Et il va pas faire attention. Qu'est-ce qu'il dit avant de jurer, après avoir juré, est-ce qu'il dit quelque chose de vrai ou de faux? Il fait pas attention. Parce que pour lui, c'est pas vraiment quelque chose de dangereux de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala et de dire des mensonges. Mais quand il jure par son saint ou par sa tombe, tout d'un coup il a peur. Il a peur que le wali, que le saint, le frappe, hein, de sa malédiction ou quelque chose, s'il ment à propos du wali. Parce qu'il pense que le wali, il entend, il voit. Mais il oublie que Allah subhanahu wa ta'ala, il voit encore, il voit tout, tandis que le wali, il voit rien, il est mort dans sa tombe, il peut rien faire. Mais que Allah, c'est lui qui voit tout, qui entend tout, et qui peut justement le frapper. Mais il prend ça à la légère, il prend pas ça en considération. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a plus de respect envers son wali, envers le wali, qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh dit, si tu vas voir un de ces soufis là, un de ces égarés parmi ces gens là qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui dis, jure par Allah que t'as pas fait ça ou que t'as fait ça, il va dire oui. Mais si tu lui dis, jure par ton wali, il va pas vouloir jurer, il a peur. Ok, et donc ça c'est de la catégorie de shirk qui est majeur et il n'y a pas de doute là-dessus. Le cheikh il dit, وَمِنَ الشِّرْكِ فِي الْأَلْفَاظِ قَوْلُ الرَّجُلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ وَلَوْلَى اللَّهُ وَفُلَانُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِالْوَاوِ لِأَنَّ الْوَاوِ تَقْتَضِي التَّشْرِيكِ وَالصَّوَابُ مَا أَرْشَدَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقُولَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانُ ثُمَّ لِأَنَّ ثُمَّ ليست للتشريك وإنما هي للترتيب وجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالعبد له مشيئة بلا شك ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh dit, parmi les formes de shirk dans les paroles également, il y a la parole d'une personne lorsqu'elle dit ce que Allah a voulu et ce que tu veux. Ou si ce n'était pas d'Allah et de toi. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Comme par exemple, si tu as réussi à ton examen, et puis que c'est quelqu'un qui t'a aidé à comprendre le sujet, il dit si ce n'était pas de toi ou de. Si ce n'était pas d'Allah et de toi, j'aurais pas réussi. Ça, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que c'est comme si tu mets Allah et la créature au même degré, au même niveau. Donc, qu'est-ce que tu dois plutôt faire à la place? Tu dois plutôt dire, si ce n'était pas d'Allah, puis ensuite de toi, j'aurais pas réussi. Pour qu'on voit qu'il y a un décalage et que les deux sont pas à égalité. Allah, il n'y a personne qui est égal à lui et qu'en premier, c'est grâce à Allah. Puis ensuite, l'autre, il a été une cause là-dedans. D'accord? Oui, ils ne comprennent pas. Si tu dis ça à un non-musulman, des fois, lui, il ne voit pas la différence de toute façon. Bon, et le chef, il dit, qu'est-ce que tu dois dire, par exemple, aussi, par exemple, tu ne dois pas dire ce qu'Allah a voulu, ou un tel, ou bien ce que, si ce n'était pas d'Allah et d'un tel, ça, ce n'est pas permis, mais plutôt, tu dis, comme on a dit tout à l'heure, tu dis « summa » à la place. Parce que « summa », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un décalage, qu'il y a un ordre. Hein? Donc, c'est différent que de dire « avec « wa », avec le « wa », ok? Donc, c'est ça que le prophète… Oui. Je vais te donner un exemple. Le cheikh, il dit, c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. Il nous a enseigné de dire plutôt, au lieu de dire, si Allah, ce que Allah veut et toi, au lieu de dire ça, tu dis pas ça. Tu dis, ce que Allah a voulu, puis ensuite, ce que tu veux. Tu vois, tu dis ensuite, ce que tu veux. Ou bien, ce que Allah a voulu, ou bien, si ce n'était pas d'Allah, puis de toi. Parce que on doit toujours mettre la volonté de la créature après la volonté d'Allah, le Créateur. Et c'est comme par exemple dans le verset, Allah il dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne pourrez pas vouloir, excepté si Allah a voulu, le Seigneur des mondes. Asseyez-vous, guys, on dirait que vous allez dormir là. Allez, vous êtes des hommes, vous êtes capables de résister. Ok, vous êtes capable. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, le cheikh il dit, donc il n'y a pas de doute que la créature, elle a une volonté, ça il n'y a pas de doute là-dessus, toutefois, cette volonté-là, elle est disons, à la suite, ou bien elle suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne va pas par devant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا ما قاله ابن عباس في تفسير هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فالآية نهت عن اتخاذ الأنداد وهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر وابن عباس رضي الله عنه مثل بالشرك الأصغر لينبه به على ما هو أشد منه وهو الشرك الأكبر فإذا كان الشرك الأصغر لا يجوز فكيف بالشرك الأكبر؟ والسلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على منع الشرك الأصغر لأنه نوع من الشرك وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا يشمل هذا وهذا. Donc le cheikh dit que ce que Abdullah ibn Abbas dit dans ce verset-là, c'est une forme de tafsir du verset qui, dans Surat al-Baqarah, et ne donnez pas à Allah des égaux, alors que vous savez. Donc, le cheikh, il dit, qu'Abdullah ibn Abbas, il dit dans le tafsir de ce verset-là, ok, il a donné l'exemple, il dit que ça peut, de prendre des andad, ça peut comprendre le shirk majeur, ou le shirk mineur, comme on a expliqué. Puis, le shirk, Abdullah ibn Abbas, il a montré l'exemple, du shirk mineur pour faire comprendre aux gens en même temps que ça pouvait être en même temps plus grand que ce plus dangereux ou plus grand aussi. C'est-à-dire que le verset, quand tu regardes, il est révélé au sujet du shirk majeur et mineur en même temps. Parce que tu vois que Al-Andad, de prendre des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut comprendre le shirk majeur. Mais également, ça peut comprendre le shirk mineur. Et quand vous regardez les exemples qu'Abdullah ibn Abbas a donné dans ce verset-là, il donne en particulier des exemples de shirk mineur. Et donc, le shirk, il dit que c'est comme si pour dire, regardez, on vous donne des exemples de shirk mineur. Donc, si le shirk mineur, c'est dangereux à ce point, et c'est grave à ce point, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire du shirk majeur? C'est encore plus grave et plus dangereux encore. Donc faites attention dans ce cas-là au shirk majeur, parce que le shirk mineur il est grave. Alors imaginez le shirk majeur, encore plus grave. Attends, et les salafs, ils donnaient comme exemple ou comme preuve, ils prenaient des versets qui ont été révélés au sujet du shirk majeur pour interdire le shirk mineur. Hein? Attends. Pourquoi? Parce que cette forme de shirk que Allah a mentionné dans ce verset-là, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, ça comprend les deux. Ça comprend le shirk majeur et le shirk mineur. Et le verset a été révélé sur le shirk majeur, et lui, il l'applique sur le shirk mineur. Ça veut dire que tu peux interdire le shirk mineur en te basant sur des versets qui interdisent le shirk majeur. Non. Le shirk ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, يُسْتَفَادُ مِنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مع قول ابن عباس رضي الله عنه مسائل كثيرة. المسألة الأولى أن التوحيد هو أعظم مأمور به لأن الله بدأ به في أول نداء في المصحف الشريف. Là, le chef il mentionne des points qu'on peut tirer de cette explication-là et qu'on peut tirer également des paroles d'Abdullah ibn Abbas dans l'explication, et il dit que, premièrement, on peut comprendre que le tawhid, c'est une des plus importantes choses que Allah nous a ordonné de faire. La preuve de ça, c'est que quand tu commences à lire le mushaf en ordre, à partir du début, le premier appel qu'on fait aux croyants, et la première ordre, c'est d'adorer Allah seul. Ça, c'est le premier. Donc, ça montre l'importance. Al-mas'alatu thaniya. في الآية دليل على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في التوحيد لأن الله أخبر أن المشركين يعلمون هذا فقال وأنتم تعلمون أنه لا خالق لهذه الأشياء المذكورة وغيرها إلا الله فلماذا تعبدون معه غيره ممن لا يخلق شيئا. Donc le cheikh dit la deuxième chose, c'est que dans le verset il y a la preuve que d'affirmer Tawhid al-Rububiyya, d'affirmer que Dieu c'est le Créateur, le Maître, le Tout-Puissant, c'est pas suffisant pour être un monothéiste et pour être sur le Tawhid. Pourquoi? Parce que même Allah il nous dit dans ce verset-là que les mushrikoun, les idolâtres à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient. La preuve, Allah dit « Wa antum ta'lamoun » et vous, vous savez, alors que vous savez. Pourquoi vous donnez des égaux à Allah alors que vous savez? C'est la preuve qu'ils savaient qu'Allah était unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu avec lui. Mais ce n'est pas suffisant de dire ça seulement, puisque il continuait à adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pourquoi? Puisque vous savez que c'est lui le seul créateur et le seul maître de toutes choses, hein? Mais pourquoi dans ce cas-là vous adorez d'autres avec lui? Hein? Donc ça c'est une preuve. Pourquoi vous adorez d'autres avec lui qui ne peut rien créer? Vous adorez d'autres qui ne peuvent rien créer, ça c'est illogique. المسألة الثالثة في الآيتين الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية وأن توحيد الربوبية وسيلة وتوحيد الألوهية غاية لأنه هو المقصود وهو المطلوب من الخلق لأنه لما أمر بعبادته ذكر توحيد الربوبية ففيه الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. Ça aussi c'est un point important. Le cheikh il dit que les deux versets qu'on a mentionnés sont des preuves pour le tawhid, sont des preuves, et dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala il utilise des preuves de sa souveraineté pour justifier son adoration. Donc on utilise comme preuve tawhid al-rububiyya pour justifier et prouver que l'adoration est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne doit pas offrir l'adoration à autre que lui. Donc Tawhid al-Rububiyya est une preuve pour justifier Tawhid al-Uluhiyya. Ça indique quoi? Ça indique que Tawhid al-Rububiyya c'est un moyen pour établir le Tawhid, et en même temps Tawhid al-Uluhiyya ou le Tawhid al-Ibada c'est un but, un objectif. C'est-à-dire que l'objectif du Tawhid c'est qu'on l'adore que Allah. Mais Tawhid al-Rububiyya c'est une preuve, donc c'est ce qui nous mène à ça. C'est un moyen vers le fait d'adorer Dieu seul. Hein? Tu dis, pourquoi tu adores Dieu seul? La preuve que pourquoi je dois adorer Dieu seul, c'est parce que c'est lui seul le Créateur, c'est lui seul le Maître, c'est lui seul le Tout-Puissant. Voilà la preuve. Donc c'est ça l'exemple que le Cheikh il donne. Et c'est le but de notre existence, d'adorer Allah seul, et c'est pour ça qu'il nous a créés. Donc Allah mentionne Tawhid al-Rububiyya et c'est pour prouver qu'on doit établir le Tawhid al-Uluhiyya. المسألة الرابعة أنه لا يكفي الأمر بالتوحيد بل لا بد من النهي عن الشرك لأن الله قال في الآية الأولى اعبدوا ربكم وقال في ختام الآية الثانية فلا تجعلوا لله أندادا فدل على أنه لا بد من الجمع بين الأمرين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فالذي يقصر على الأمر بالتوحيد ولا ينهى عن الشرك لم يقم بالمطلوب لأن ذلك لا يحقق شيئا وهذا في القرآن كثير دائما بجانب الأمر بالتوحيد النهي عن الشرك قال تعالى وأن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا أمر ونهي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا فيه الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والإيمان بالله لا يكفي بل لا بد من الكفر بالطاغوت وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا بد من الجمع بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. Donc le cheikh il dit ici comme quatrième point que c'est pas suffisant juste de dire aux gens adorez Dieu seul, il faut leur dire adorer Dieu seul et en même temps il faut leur interdire d'adorer autre que Allah. Donc tu dis adorer Dieu seul et rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et cesser de l'adorer. Hein? C'est pas juste tu dis faites le bien, tu dis cessez de faire aussi le mal. C'est pas juste tu dis aux gens suivez la sunna, mais tu leur dis cessez de faire des bid'ah. Donc il y a toujours l'ordre et l'interdiction qui va avec. Donc l'ordre d'adorer Allah doit toujours être accompagné de l'interdiction du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle dans le Coran, il dit par exemple Ubudullah, comme on voit dans le verset adorez Allah. Puis à la fin du deuxième verset, fala taj'alu lillahi andadan, et ne donnez pas à Allah des égaux. Donc il y a l'ordre et il y a l'interdiction qui suit tout de suite après. C'est toujours comme ça. Donc ça prouve qu'il faut réunir ces deux choses-là. Ordonner le tawhid et interdire le shirk. Hein, tu ne dois pas juste te limiter à l'ordre du tawhid et que tu n'interdis pas le shirk par la suite. Parce que si tu te limites uniquement à ça, alors tu n'as pas fait ce qui t'est demandé et tu n'as rien établi, tu n'as rien réalisé dans ce cas-là. Et dans le Coran, tu retrouves toujours l'ordre du tawhid avec l'interdiction du shirk, comme le verset 36 dans Surat al-Nahl. Allah, il a envoyé les messagers, Allah dit « Ani'abudullah, wajtalibu al-tahout » d'adorer Allah et de t'écarter du tahout, c'est-à-dire le tahout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il mentionne l'autre verset, donc, alors quiconque les croit au tahout, a rejeté le tahout, alors qu'il croit en Allah. Donc ça veut dire que tu dois réunir ces deux choses-là ensemble. Tu dois croire, tu dois rejeter le tahout et croire en Allah. Et même que, comme certains ulama ont expliqué, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de rejeter le tahout avant même de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il faut commencer par le rejet du tahout avant de dire qu'on croit en Allah subhanahu wa ta'ala, sinon on n'a pas vraiment cru en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tu ne peux pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala et au tahout en même temps. Parce que, wa alaykum salam wa rahmatullah. Parce que si tu affirmes ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu n'as pas rejeté le tahout, alors dans ce cas-là, tu n'as pas encore cru à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, فَأَذَا فِيهِ الْكُفْرُ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِمَانِ بِاللَّهِ فَالْإِمَانِ بِاللَّهِ لَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ وَكُلُّ رَسُولٍ يَقُولُ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَلَا بُدَّ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرِ بِالتَّوْحِيدِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشِّرْكِ. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de rejeter le tawhid et de croire en lui, en Allah, et donc la foi en Allah seul, ça ne suffit pas, il faut aussi rejeter le tawhid. Et tous les messagers, quand ils sont venus à leur peuple, ils ont toujours dit ça, comme dans le verset 36 dans Surat al-Nisa, adorez Allah et ne lui associez rien dans l'adoration. Ou bien le verset 59 dans Surat al-A'raf, adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui aucune divinité. Donc tout ça, ça prouve qu'on doit réunir les deux, l'ordre du tawhid et l'interdiction du shirk. Et ça c'est la signification de la ilaha illallah. Hein? La ilaha illallah. La ilaha c'est la négation, illallah c'est l'affirmation. La sharika, c'est-à-dire c'est une confirmation, ou une reconfirmation, c'est-à-dire il n'a pas d'associé. Il n'y a rien, il n'a pas d'associé, de partenaire. Après, المسألة الخامسة أن هذه الألفاظ التي ذكرها ابن عباس تجري على ألسنة كثير من الناس وهي من الشرك ولكنه شرك أصغر ويسمى شرك الألفاظ ولو لم يقصد بقلبه أو يقصد بقلبه هو من اتخاذ الأنداد. Le cheikh il dit comme cinquième point, il y a le fait que les paroles que les gens répètent, comme les celles que Abdullah ibn Abbas a mentionnées, ce sont des paroles qui sont toujours prononcées par les gens, et que, yani, les gens parfois réalisent pas que ça fait partie du shirk, alors que ça fait partie du shirk. Sauf que ce sont des formes de shirk mineurs. On les appelle le shirk dans les paroles. Hein. Et, yani, c'est pas nécessairement que les gens, quand ils prononcent ces paroles-là, ça veut pas nécessairement dire qu'ils y croient dans leur cœur ou ils y pensent dans leur cœur réellement. Ça fait quand même partie de prendre des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme quelqu'un qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit « Ma sha'allahu wa sha'at » Ce que Allah a voulu, est-ce que tu veux, toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant « Aja'altani lillahi niddan » Est-ce que tu veux me faire, est-ce que tu veux faire de moi un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala? « Qul ma sha'allahu wahda » Dis ce que Allah veut lui tout seul. Associe-moi pas là-dedans. Parce que tu ne peux pas me mettre à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. المسألة السادسة فيه أن السلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأن ابن عباس استدل بالآية على ذلك لأن الشرك الأصغر يجر أو نعم يجر إلى الشرك الأكبر ففيه الابتعاد عن الشرك من كل الوجوه باللفظ وبالنية وبالفعل. Donc le cheikh il dit comme dans le point numéro 6, il y a la preuve que les salafs utilisent comme référence ou comme argument les versets qui sont révélés au sujet du shirk majeur, ils les appliquent sur le shirk mineur. Et Ibn Abbas, il s'est basé sur ça. Et le shirk mineur, il peut t'amener au shirk majeur. Et donc, il y a la preuve dedans que tu dois t'écarter du shirk dans tous les aspects, dans toutes ses manifestations. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Et donc le cheikh il dit que ce soit des formes de shirk qui sont dans les paroles ou dans les intentions ou dans les actions. Après il dit قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله. Ça c'est un autre point après qui suit. Il mentionne le hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما. Il dit, وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. Donc ça c'est un hadith de عمر بن الخطاب qui dit que le messager Muhammad صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui jure par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a commis du shirk, ou il a commis du kufr ou du shirk. Ça c'est rapporté par At-Tirmidhi et c'est, il a déclaré Hassan et Al-Hakim l'a authentifié. Ça c'est ce que le Cheikh Muhammad Wahab a mentionné. Et il explique, le Cheikh Fawzan explique, il dit, قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله, أي أقسم بغير الله. كأن يقول والنبي, أو يقول والأمانة أو يقول وحياتك ما فعلت كذا أو ما أشبه ذلك بأن يقسم بأن يقسم بمخلوق فالحلف والقسم تأكيد الشيء أو تأكيد شيء بالذكر معظم على وجه مخصوص وهو تعظيم للمقسم به والتعظيم إنما يكون لله سبحانه وتعالى فالمخلوق لا يقسم إلا بالله المخلوق لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفات الله أما الله سبحانه وتعالى فإنه يقسم بما شاء من خلقه أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله ولا يجوز له أن يقسم بغيره كائنا من كان لا يقسم بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالصالحين ولا يقسم بالكعبة ولا يقسم بأي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. Bon, qu'est-ce qu'il dit le chef ici? Il dit que Abdullah ibn Omar رضي الله عنه, il dit on n'a pas le droit de jurer par autre que Allah سبحانه وتعالى. C'est ça le hadith, c'est ce que ça veut dire dans le hadith, الحلف. Al-Half, ça veut dire de faire un serment ou de jurer. Donc, il dit, on n'a pas le droit de jurer par autre que Allah parce que c'est kufr ou shirk. Et on n'a pas le droit donc de jurer par le prophète. On dit, oh, par le prophète, ou bien de jurer par l'honnêteté, ou bien de jurer par sa vie. Donc tout ça c'est interdit. Tous des gens de jurons comme ça. Je te jure par la tête de ma mère. Ou des gens de serment comme ça, ça c'est tout. Donc on n'a pas le droit de jurer. Et qu'est-ce qui arrive maintenant dans certains endroits, yani, c'est rendu que, Allah Musta'an, c'est rendu qu'il y a des gens qui jurent comme ça, comme si c'était rien. Comme je disais dans qu'est-ce qui se passe, yani, subhanallah, il y a des gens qui prennent ça à la légère, le fait de jurer. Ils jurent comme si rien n'était, ils jurent à tout bout de champ, comme on dit ici, yani, pour n'importe quoi. Et c'est très dangereux parce que, yani, ça amène quelqu'un par la suite à tomber dans ce genre de shirk, hein, de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par exemple, je trouve que par exemple, en France, c'est quelque chose qui m'a fait rire, yani, qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est que là-bas, tellement les musulmans, ils ont l'habitude, il y a des musulmans là-bas, des jeunes qui ont l'habitude de jurer, à chaque fois quand ils parlent, ils disent Wallah, Wallah, Wallah, hein. Et c'est rendu que même des koufars, qui sont même pas des gens qui sont pas musulmans, quand ils parlent, ils disent toujours Wallah al-Azim, Wallah, Wallah, Wallah al-Azim. Ils jurent eux aussi en disant les mêmes choses que les musulmans, mais bien entendu, étant donné que c'est des mauvaises habitudes que les gens ont pris, de jurer même quand ils disent des choses fausses parfois, ou bien de jurer pour n'importe quoi. Hein? Donc ça fait que même les koufars ont pris ce mauvais comportement-là et ils imitent les musulmans là-dedans. Donc ça montre à quel point on n'est pas en train de suivre le bon exemple et on ne donne pas le bon exemple aux autres. Donc le cheikh il dit, هو تعظيم للمقسم. Il dit donc que de jurer, c'est la définition. Il dit que الحلف والقسم تأكيد شيء بذكر معظم على وجه مخصوص. Ça veut dire quoi le fait de jurer? Ça veut dire que tu mentionnes quelque chose pour le confirmer, en rappelant ou en mentionnant le nom de quelque chose, de quelqu'un que tu respectes. Et tu le dis selon une forme ou une façon qui est particulière. Hein, comme tu dis par exemple, comme le cheikh il dit par exemple, tu le dis par respect pour la personne, en montrant un respect pour la personne la chose par laquelle tu jures. Mais on n'a pas le droit de montrer ce respect-là ou de vénérer, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. La créature, elle n'a pas le droit de jurer, excepté par Allah, ou par une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par qu'est-ce qu'il veut de sa création. Il peut jurer par la lune, par le soleil, Allah subhanahu wa ta'ala peut jurer par sa création. Et on voit ça beaucoup dans le Coran. Allah il jure wat-tin waz-zaytoun, il jure par la figue et l'olive. Donc on voit qu'il jure par ce qu'il veut, il dit kalla wal-qamar, il jure par la lune, wal-layli iz adbar, was-subhi iza asfar. Donc il jure par la lune, il jure par par la nuit, par l'aube. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par qu'est-ce qu'il veut de ses créations, mais nous on n'a pas le droit de jurer excepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par qu'est-ce qu'il veut, mais les créatures ne doivent jurer que par Allah, et ce n'est pas permis de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce que ça peut être. Ni les prophètes, ni par les anges, ni par les hommes pieux. On ne doit pas jurer non plus par la Kaaba. Hein. On doit uniquement jurer par Allah subhanahu wa ta'ala et non pas par autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, on peut jurer par le Coran parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu jures par la parole d'Allah, il n'y a pas de problème parce que c'est l'attribut d'Allah. On doit jurer par l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. أبقى الشيخ الذي وفي الحديث أو في هذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله كائنا من كان من الملائكة أو أنبياء أو أولياء أو مشاعر مقدسة أو غير ذلك فقد كفر أو أشرك. وهذا إما شك من الراوي، يعني هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أو أشرك، أو أن الواو أو بمعنى الواو أو أن أو بمعنى الواو، لأن أو تأتي أحيانا بمعنى الواو في لغة العرب ويعني فيكون المعنى فقد كفر وأشرك، يعني الجمع بين الكفر والشرك، أن بين الشرك والكفر عموم وخصوص، فكل مشرك كافر وليس كل كافر يكون مشركا. وقد نعم donc le cheikh il dit ici que toute personne qui jure, peu importe par qu'est-ce qu'il jure, que ce soit par les anges, par les prophètes, par les saints ou par les endroits qui sont les endroits qui sont saints ou les lieux saints ou bien autre chose, alors dans ce cas-là il a commis un acte de kufr ou de shirk. Et on voit que le narrateur dans ce hadith il a mentionné le terme aw, ou le mot aw ça veut dire ou, hein, donc il a mécru ou il a fait le shirk. Et le shirk il explique que soit que c'est un doute de la part du narrateur, que c'est-à-dire il ne sait pas est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il doute, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a mécru ou il a fait le shirk, ou bien qu'il utilise le mot aw dans le sens du mot waouh, c'est-à-dire dans la langue arabe on peut dire ça parfois quand on dit aw dans le sens de et non pas dans le sens de ou. Après le shaykh il dit yani jama'a baina al-kufr wa shirk, ça voudrait donc dire que celui qui jure par autre que Allah il a fait le kufr et le shirk. Donc le shaykh il dit ici لأن بين الشرك والكفر عموم وخصوص، فكل مشرك كافر وليس كل كافر وليس كل كافر مشركا. Donc il dit que de toute façon le cheikh dit que entre le shirk et le kufr il y a un sens général et un sens qui est compris dans un puis dans l'autre. On va expliquer ce que ça veut dire. Le cheikh il dit que quand on dit mushrik alors ça veut dire kafir, mais quand on dit kafir ça ne veut pas nécessairement dire mushrik, vous comprenez, parce que quelqu'un peut être un mushrik, et depuis quand on dit que quelqu'un est mushrik automatiquement ça veut dire qu'il est kafir, parce que quand il a fait le shirk il a mécru, il a rejeté la foi. Toutefois quelqu'un peut être kafir sans être mushrik, comme par exemple quelqu'un peut sortir de l'islam sans avoir fait le shirk, il peut sortir de l'islam par d'autres choses que le shirk, tu comprends? Il peut sortir de l'islam, par exemple, parce que il a rejeté la foi en les anges, ou parce qu'il a rejeté la foi en la prédestination, ou parce qu'il a nié le Coran, ou un verset dans le Coran. Il n'a pas fait de shirk, mais il a insulté l'islam ou les prophètes, ou Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a quitté la foi, il est kafir, mais il n'est pas nécessairement mushrik, c'est-à-dire il n'a pas nécessairement commis un acte de shirk. D'accord? Donc c'est pour ça que le shirk il dit ça. Après le shirk il explique, il dit وَقَدْ يَرِدُ سُؤَالٌ هُنَا وَهُوَ أَنَّهُ جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الْحَلْفُ بِغَيْرِ اللَّهِ كَقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ مع قوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فما الجواب؟ أجاب عنه العلماء بجوابين. الجواب الأول أن هذا وأمثاله لا يقصد به اليمين، وإنما يجري على ألسنة الناس من غير قصد اليمين. والجواب الثاني أن هذا كان قبل النهي، فكان في الأول يجوز الحلف بغير الله، وبعد ذلك نهي عن الحلف بغير الله. فقوله أفلح وأبيه وأمثاله يكون منسوخا بالنهي عن الحلف بغير الله، وهذا هو الذي رجحه في الشرح. والشاهد من الحديث للترجمة أن الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد لله سبحانه وتعالى لأن الند معناه النظير والشبيه فالذي يحلف بغير الله يجعل المحلوف به ندا لله وشبيها لله سبحانه وتعالى. Donc on voit le chef ici qui explique et qui dit que on pourrait se poser une question parce que dans certains hadiths on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il interdit de jurer par en tout cas Allah et il y a un hadith qui dit aflaha wa abihi in sadaq, il a eu le succès et par son père, hein, il a eu le succès par son père s'il dit la vérité. Donc est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ça et le hadith du professeur Hassan qui dit celui qui jure par oscure que Allah il a mécru ou il a commis le shirk? C'est quoi la réponse à ce sujet? Et le shaykh il dit que certains ulama ont répondu à ça par deux réponses. La première réponse, ils disent que ce genre de paroles là c'était pas des paroles qui ont été dites dans le sens d'un serment, c'est-à-dire c'était pas des paroles qui impliquaient ou qui voulaient dire que c'était pour jurer qu'on le disait, mais c'était juste quelque chose que les gens disent, hein, et qui ne sont pas dites dans le but de faire un serment. Et la deuxième réponse que les ulama ont donnée à ce sujet-là, c'est que ça c'était avant l'interdiction, parce que au tout début l'interdiction, au tout début de jurer par oath que Allah n'était pas interdit, puis par la suite ça a été interdit. Donc la parole aflaha wa abihi, il a eu le succès par son père, il y en a qui disent que ça a été abrogé par l'interdiction par la suite de jurer par oath que Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est la position que qu'un des ulama a supporté dans le charh, et il a dit que c'était celle qui était la position la plus correcte dans l'explication de Kitab al-Tawhid, dans une des explications de Kitab al-Tawhid. Le cheikh il dit que le point qu'on voulait tirer dans ce chapitre-là en mentionnant ce hadith, c'était que de jurer par autre que Allah, ça fait partie de prendre des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans le mot nid, qui est le pluriel, qui est le singulier du mot andad, il y a la signification de an-nazir wa shabih, c'est-à-dire le semblable, ou de faire des ressemblances avec, ou bien de mettre à égalité quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est par rapport à ce hadith-là. Ensuite, il y a un dernier hadith qui est mentionné. C'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, ou bien c'est une des... Non, il y a une autre parole ensuite. Mais il y a le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud qui dit « لِأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا ». Donc, Abdullah ibn Mas'ud s'est rapporté qu'il a dit, je préfère faire un serment par Allah qui est mensonger que de faire un serment par Allah qui est vrai, mais qui est fait par autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, qui fait un serment, qui jure par Allah, mais il ment, c'est moins pire que s'il fait un serment et qu'il jure par autre que Allah, en disant la vérité. Parce que de dire un serment qui est mensonger, c'est un péché seulement, tandis que de faire un serment qui est véridique par autre que Allah, c'est une forme de shirk. Et donc le shirk est plus grave que le péché, que le péché ordinaire. Le shirk il dit ensuite, oui, il explique ça. Il dit, وقوله وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الكذب حرام وكبير من كبائر الذنوب، ولكنه أسهل من الحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله صادقا شرك. والحلف بغير الله كذبا محرم ومعصية، ولكنه دون الشرك، لأن الشرك أكبر الكبائر، وسيئة الكذب أخف من سيئة الشرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن الحلف بالله كاذبا فيه توحيد، والحلف بغير الله صادقا شرك، فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أشد من سيئة الكذب. Donc le cheikh il dit que cette parole de Abdullah ibn Mas'ud, il faut comprendre dans cette parole-là que, premièrement, de mentir c'est haram, et que ça fait partie des grands péchés parmi les plus grands péchés. C'est-à-dire de jurer par Allah de façon mensongère, c'est moins grave que de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala en disant la vérité. Donc si tu jures par Allah subhanahu wa ta'ala et que tu mens, c'est moins grave que si tu jures par autre que Allah en disant la vérité. Et le cheikh il explique ça en disant que de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala quand on ment, ça c'est un péché. Mais c'est pas aussi grave que le shirk, et ça atteint pas le niveau de shirk. Parce que le shirk c'est le plus grand parmi les grands péchés. Tandis que le péché du mensonge c'est moins grave que le péché du shirk. Et le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a clarifié ça en disant que de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala en disant un mensonge, ça c'est ça, il y a du tawhid dedans. Ça fait shirk. Toutefois, si tu jures par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en disant la vérité, si tu jures par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en disant la vérité, il y a du shirk là-dedans. Donc la bonne œuvre qui est reliée au tawhid, elle est plus grande que la bonne œuvre qui est reliée au la bonne œuvre qui est reliée au tawhid est plus grande que la bonne œuvre qui est uniquement reliée à l'honnêteté. Donc le bien qui vient du tawhid est plus grand que le bien qui vient de l'honnêteté seulement. Et le péché qui vient, ou le mal qui vient du shirk, est plus dangereux que le mal qui vient uniquement du mensonge. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الله وبين المخلوق في المشيئة بأن يقول ما شاء الله وشاء فلان، لأن الواو لمطلق الجمع والتشريك، ولكنك جعلت المشيئة صادرة من الله ومن المخلوق، وهذا شرك في اللفظ، وتصحيح العبارة أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، ففي هذا مسألتان. المسألة الأولى وهو يكسلكي ساق الشيخ يكسلكي سي يلتك أنسويت يعينو الطغال كي رابطي سلو حذيفة que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dites pas ce que Allah a voulu et ce qu'un tel a voulu, mais dites plutôt ce que Allah a voulu, puis ce qu'un autre a voulu, ou ce qu'une personne a voulu. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud avec une isnad qui est sahih, d'après ce que dit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Naam, on a presque fini, inshallah. Donc le cheikh il dit, ne dites pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ne dites pas ce que Allah a voulu ou un tel, ne dites pas ce que Allah a voulu et un tel, mais dites plutôt ce que Allah a voulu puis ensuite un tel. Ça c'est l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de réunir entre Allah et sa création dans la volonté, de dire ce que Allah a voulu et un tel a voulu, parce que de dire et, quand tu parles comme ça, tu utilises le terme « et », c'est comme si tu les rends des partenaires et des associés. Mais plutôt, tu dois… c'est comme si en fait, quand tu dis « et », c'est comme si tu avais fait la volonté d'Allah et la volonté de la créature au même niveau, hein, à la même égalité. Et ça, c'est une forme de shirk dans les paroles. Et pour corriger cette expression-là, tu dois plutôt dire ce que Allah a voulu, ensuite ce que la créature a voulu. Et le cheikh dit في هذا مسألتان المسألة الأولى النهي عن عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو وجواز عطفها ثم بثم والفرق أن الواو تقتضي التشريك وثم تقتضي الترتيب والتعقيد فتجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق ومرتبة عليها. Donc il y a deux points à ce sujet-là. La première, le premier point, c'est que on est interdit d'utiliser la conjonction, et quand on parle, c'est-à-dire de dire par exemple ce que Allah veut et la créature, mais c'est permis de dire puis ensuite après avoir dit ça. Donc, par exemple, tu dis ce que Allah veut, ensuite la créature. Parce que pour éviter justement qu'il y ait une sorte d'égalité entre la créature et le créateur, on utilise plutôt summa qui implique un degré ou un rang ou une suite, hein, à la suite de, pour montrer qu'il y a une différence et que la créature, la volonté de la créature vient toujours après la volonté du créateur. المسألة الثانية فيه دليل على إثبات المشيئة للمخلوق وردا على الجبرية الذين يقولون إن المخلوق ليس له مشيئة وإنما هو مجبر ومسير إنما هو مجبر ومسير ليس له اختيار ولا مشيئة وهو مذهب باطل فالمخلوق له مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأثبت سبحانه وتعالى للمخلوق مشيئة وجعلها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى فمشيئة المخلوق مرتبة على مشيئة الخالق. Donc le cheikh dit que le deuxième point, c'est quoi? C'est qu'il y a l'affirmation de la volonté pour la créature. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, on a une volonté. Hein? On ne peut pas nier cette volonté-là. Tandis que les Jabriya, une des sectes parmi les gens de Bid'ah, qu'on appelle Al-Jabriya, qui ont dévié dans la prédestination, dans le Qadar, ils disent que la créature n'a aucune volonté et qu'on est obligé, forcé de faire ce qu'on fait. Donc, on est comme une feuille dans le vent. On n'a aucune volonté ou aucun contrôle de quoi que ce soit. Et que on n'a aucun choix dans nos actions, ni volonté. Et ça, c'est un madhab qui est complètement faux. Parce que la créature, elle a effectivement une volonté. Toutefois, cette volonté-là, elle suit la volonté d'Allah et elle vient après la volonté d'Allah. Hein? Elle ne précède pas la volonté d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans plusieurs versets, comme le verset 30 dans Surat Al-Insan. Et vous ne pouvez pas vouloir accepter ce que Allah a voulu. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas vouloir accepter ce qu'Allah a voulu. Et Allah est certes sage, omniscient et sage. Et il mentionne le verset 29 dans Surat Takwir. لمن شاء منكم أن يستقيم. Pour celui d'entre vous qui souhaite se mettre sur le droit chemin. Et vous ne pouvez pas vouloir accepter si Allah a voulu, le Seigneur des mondes. Donc il a affirmé, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé une volonté pour la créature. Mais il a fait en sorte, ou il a expliqué que cette volonté-là, elle vient après la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? La volonté de la créature, elle suit. Et elle vient après la volonté du créateur. وفي حديث حذيفة مسألة ثالثة الحديث حذيفة إلى نوع ثالثين point وهو أنه مع منع من شيء فإنه يذكر البديل الصحيح عنه وإن كان له بديل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من هذه العبارة ذكر البديل الصحيح عنها وهو قول ما شاء الله ثم شاء فلان. Donc, le troisième point aussi dans le hadith de Hudhayfa, on peut prendre aussi que lorsque on interdit quelque chose dans la parole d'Allah ou dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on mentionne souvent une alternative. Une alternative, quelque chose pour remplacer cette chose-là, qui est correcte et qui est bonne. Donc, dans ce hadith-là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de dire certaines paroles, et il l'a corrigé, il nous a donné une alternative en disant, au lieu de dire ce que Allah a voulu et un tel, on dit à la place ce que Allah a voulu, puis ensuite un tel. Et il y a la dernière citation qui est mentionnée, c'est qu'est-ce qui est rapporté aussi par l'imam Ibrahim al-Nakhai, un des tabi'in, أنه يكره أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان لا تقولوا لولا الله وفلان. Donc ça veut dire quoi cette parole d'Ibrahim al-Nakhai? Ça veut dire que Ibrahim al-Nakhai, il dit qu'il détestait, il considérait que c'était pas permis de dire je cherche refuge en Allah et en toi, ou bien de dire en Allah. Il dit c'est pas permis de dire je cherche refuge en Allah et en toi, mais plutôt c'est permis de dire je cherche refuge en Allah puis ensuite en toi. Et après il dit tu dois pas dire si ce n'était pas d'Allah puis de toi, mais tu dois plutôt dire يقول ويقول لولا الله ثم فلان. Tu dis si ce n'était pas d'Allah et ensuite de toi, mais tu dis pas si ce n'était pas d'Allah et de toi, comme tout à l'heure on a vu. Et le cheikh il explique ça justement, il dit وقوله وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك والاستعادة نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تقول أعوذ بالله وبك، لأنك إذا قلت هذا شركت بين الخالق والمخلوق والتجأت إليهما جميعا، وهذا شرك. ولكن تصحيح العبارة أن تقول أعوذ بالله ثم بك، فتأتي بثم، والفرق بين ثم وبين الواو أن ثم تجعل الالتجاء إلى المخلوق بعد الالتجاء إلى الخالق، فالمخلوق يلتجئ إليه فيما يقدر عليه، فتذهب إلى شخص وتطلب منه أن يمنع عدوك عنك، وهذا إذا كان هذا الشخص حيا يقدر على منع عدوك عنك، أما العياذ المطلق فإنه لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز العياذ بالميت مطلقا. Donc le cheikh il explique que cette parole d'Ibrahim al-Nakhai, qu'il détestait de dire je cherche refuge en Allah et en toi, parce que de chercher le refuge c'est une forme d'adoration, on n'a pas le droit de la donner à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'est pas donc permis de dire je cherche refuge en Allah et en toi, parce que si tu fais ça, c'est comme si tu as associé le créateur, la créature au créateur dans le fait de te tourner vers eux tous les deux. Et ça, c'est une forme de shirk. Tu cherches refuge dans les deux. Toutefois, qu'est-ce qui est correct? C'est de dire, je cherche refuge en Allah, puis en toi. C'est-à-dire que tu dois mettre thumma, c'est-à-dire ensuite, pour faire comprendre qu'il y a un délai ou un écart entre les deux, et qui ne sont pas à égalité. Et donc, le cheikh il dit وَأَنَّ ثُمَّ تَجْعَلُ الْإِلْتِجَاءَ إِلَى الْمَخْلُوقِ بَعْدَ الْإِلْتِجَاءَ إِلَى الْخَالِقِ. Donc quand tu dis ثُمَّ, c'est comme si tu dis tu cherches refuge en Allah après tu cherches refuge en Allah et après en la créature. Et le cheikh il dit, et ça c'est comme si tu demandais à une créature ou un être humain qui est vivant, qui est là près de toi et qui peut te venir en aide, de te sauver par exemple de quelqu'un qui veut t'attaquer dans la rue. Ça c'est permis. Toutefois, si c'est quelqu'un qui est absent et qui est mort, alors dans ce cas-là c'est pas permis. Puis ça, ça devient une forme de shirk majeur si tu le fais, parce que tu ne peux pas chercher un refuge absolu en autre que Allah. Tu ne dois pas demander le refuge ou la protection d'un mort ou de quelqu'un qui est absent. Sinon, c'est une forme de shirk. Exactement. Quelqu'un qui amène une photo de son cher soufi, qui pense que ça peut le protéger, ou des choses de ce genre, ça c'est des formes de shirk majeur. Ou bien quelqu'un qui pense qu'il peut appeler en aide quelqu'un qui est dans sa tombe pour qu'il vienne l'aider ou le protéger, ça c'est des formes de shirk majeur. Même si tu dis summa, ou même si tu dis ensuite, là c'est du shirk majeur quand même, parce qu'il est mort, il ne peut pas rien faire pour toi. Il faut que ce soit quelqu'un qui est vivant, qui est présent, qui peut te venir en aide. Là tu peux dire, je demande à Allah, puis à toi, parce qu'il est capable de t'aider, mais pas comme les soufis font, qui adorent autre que Allah et qui demandent la protection d'autre que Allah. Ensuite, le cheikh dit, « Wa qawluhu wa yaqulu lawla Allah summa fulan, la taqulu lawla Allah wa fulan. » Sabqa sharhuhu. Ensuite, la parole qui dit, « Si ce n'était d'Allah, puis de toi », ça tu peux le dire. Mais tu peux pas dire si ce n'était d'Allah et toi. Parce que, on l'a déjà expliqué, on a dit que c'était de mettre à égalité Allah et sa création. Donc tu peux dire summa, mais tu peux pas dire wa. Après, le cheikh, il explique, il dit, wa qawluhu wa yaqulu, il dit, wa hadha mimma yadullu ala annahu, la yajuzu ta'lim al-nas umur, pardon. هذا مما يدل على أنه يجب تعليم الناس أمور العقيدة وما يخل بها وما ينقصها، لأن أغلب الناس الآن إلا ما شاء الله أعرضوا عن تعليم العقيدة وتعلمها وعن تعلمها ولا يعتنون بها ولا يدعون إليها إلا ما شاء الله، وإلا فالأكثر يركزون على أمور أخرى جانبية لا تفيد شيئا إذا اختلت العقيدة، حتى ولو صحت هذه الأغلاط الجانبية التي يريدون إصلاحها، لو صلحت وصحت ما نفعت بدون إصلاح العقيدة. فالعقيدة هي الأساس، ويجب أن نتعلمها أولا، وأن ندعو إليها أولا، وأن نصحح الأخطاء فيها قبل تصحيح الأخطاء في المعاملات وتصحيح الأخطاء في الآداب والأخلاق، ومن انتشرت هذه الأمور في الناس إلا لما قل تدريس التوحيد وشرح العقيدة والدعوة إليها في المحاضرات والندوات والصحف والمجلات. فانتشرت هذه الأمور بسبب شياطين الإنس والجن الذين يريدون إفساد عقائد الناس، فالاهتمام بأمر العقيدة وتصحيحها هو أم المهمات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبدأ بالعلم بمعنى لا إله إلا الله قبل العمل والاستغفار، لأنه هو الأساس الذي تنبني عليه أمور الدين كلها. Donc le cheikh il termine avec un rappel général et en disant que ça nous montre tout ce qu'on vient d'apprendre dans ce chapitre. Ça nous montre l'importance de la aqida, et que d'avoir des erreurs dans la aqida ou d'avoir des choses qui diminuent dans la pureté de notre aqida, c'est des choses dangereuses. Et donc que les gens doivent apprendre leur aqida, et ils doivent apprendre ce qui la diminue et ce qui vient la détruire, cette aqida. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, excepté ceux que Allah a voulu, eh bien ils se sont détournés de l'apprentissage et de l'étude de la aqida, et ils ne s'en soucient même pas. Ils ne s'en soucient pas. Et le cheikh il dit, ولا يدعون إليها إلا ما شاء الله. Et ils n'invitent pas les gens à la aqida non plus, excepté un petit nombre. Et donc le cheikh dit que la majorité des gens, ils se concentrent uniquement sur des choses qui sont secondaires ou des choses qui sont après, qui viennent après et qui ne servent à rien. si la aqida n'est pas bonne. C'est-à-dire, ils essaient d'arranger les autres choses, comme par exemple, tu vas avec Jamaat Tabligh, ils vont t'apprendre à manger avec la main, la main droite, comme dans la sunna. Ils vont t'apprendre quand tu dois dormir, tu dois dormir sur le côté droit. Ils vont t'apprendre des choses de ce genre, et à faire la prière et des choses de ce genre qui sont importantes. Mais si ta aqida n'est pas bonne, ça ne sert à rien de les faire. Parce qu'elles ne seront même pas acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala si elles sont comme ça. Elles ne sont pas faites avec une bonne aqida, hein, avec le tawhid. Donc le cheikh, il dit, il se concentre sur des choses qui ne sont pas fondamentales, mais qui sont à côté, hein, qui viennent après. Et même si ces choses-là étaient bien, même si tu savais bien dormir sur ton côté, même si tu mangeais bien avec ta main, ou même si tu faisais d'autres aspects, par exemple économiques ou politiques dans la société, si tu réglais les problèmes économiques et sociaux et politiques, mais que ta aqida n'était pas bonne, eh bien tout ça, ça ne servirait à rien, hein, tant que ta aqida ne serait pas correcte. Parce que la aqida, c'est la base. Et donc c'est obligatoire de l'apprendre, cette aqida, en premier, et d'inviter les gens à cette aqida, et de corriger les erreurs que les gens ont dans la aqida avant de corriger les erreurs qu'ils ont dans d'autres sujets et dans d'autres domaines de la religion, et dans le comportement et dans le caractère. C'est comme à la mosquée, à Dar al-Arqam, souvent je faisais des khutab et je concentrais souvent sur les questions de aqida. Eh bien, il y a des frères qui venaient me voir et me disent, mon frère, il faut parler du caractère, le comportement. Les gens, ils ne sont pas bien élevés, ils n'ont pas un bon comportement. J'ai dit, subhanallah, et s'ils arrivent devant Allah avec un bon comportement, mais qu'ils sont en train de croire en des choses qui sont contraires au tawhid, par exemple de croire à la démocratie ou à la laïcité, ou de croire aux awliya, ou de faire des formes de shirk, alors est-ce que vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur bon comportement de leur part? Donc c'est pour voir comment des gens parfois ils savent pas mettre l'importance là où elle est vraiment. Et le cheikh, il dit que ces choses-là qui sont répandues aujourd'hui dans la société, des erreurs dans l'aqida, elles sont venues parce que les gens ont cessé ou ont diminué l'enseignement du tawhid et l'enseignement de la bonne aqida et la da'wah vers l'aqida, et de faire des conférences et de parler de ça dans les journaux, dans les magazines, et d'enseigner le tawhid et des choses qui sont reliées à l'aqida à cause de certains shayatines parmi les hommes et parmi les djinns qui veulent corrompre la croyance des hommes, et donc ils ne donnent pas beaucoup d'importance en les questions qui ont rapport avec l'aqida, et de corriger les questions qui ont rapport avec l'aqida, alors que c'est la base de tout ce qui est important dans la religion musulmane. Et le cheikh, il mentionne le verset 19 dans surat Muhammad qui dit, et sache que Allah, rien ne mérite d'être adoré autre que lui, et ensuite demande le pardon pour ton péché, pour toi et pour les croyants et pour les croyantes. Donc ça veut dire commencer par la ilaha illallah, ensuite demander le pardon pour tes péchés, pour les croyants et pour les croyantes. Ça prouve que le tawhid, comme il vient en premier, et de connaître la signification de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ça passe avant l'action, et ça passe avant le fait de demander pardon à Allah, hein, et que c'est la base sur laquelle tout le reste est bâti et construit. Donc ça, c'est la fin de ce chapitre. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Exactement, le comportement aussi, ça fait partie de la religion. Et la religion, disons, la base de la religion, c'est le tawhid. Et tout ce qui est dans la religion, c'est relié donc au tawhid. Mais si c'est exactement, c'est l'erreur que ces gens-là, ils comprennent pas, c'est que quand ils parlent de l'akhlaq et du comportement, ils pensent que c'est juste le comportement envers les autres, envers les êtres humains. Alors que le comportement, eh ben c'est le comportement en premier envers ton créateur, comment tu agis envers lui, comment tu agis envers la révélation, envers le Coran, envers la Sunna, ton comportement envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ton comportement envers la religion. Et donc ça, c'est fondamental. Avant le comportement envers les créatures, tu dois corriger ton comportement envers ton créateur, al-Khaliq avant al-Makhlouq, exactement. Donc c'est pas juste avoir un bon comportement envers les êtres humains, envers les créatures, mais aussi fondamentalement d'avoir un bon comportement envers le Créateur avant toute chose. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera ça la semaine prochaine, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.